Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur le plateau de la émission Libre-Échange. Libre-Échange qui est un peu écouté partout, comme je le dis à chaque fois. Et encore merci, merci, parce qu'on reçoit des messages, des témoignages de sympathie, d'encouragement. Eh bien, on ira encore dans ce sens-là. Alors, Libre-Échange, c'est une émission qui parle de la santé, mais la santé, c'est très vaste. Et pour ce faire aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui risque de chatouiller bien des uns et des autres, mais qui est important à mon idée... d'en parler, on va parler alimentation. Et pour ce faire, je reçois plusieurs personnes sur notre plateau, notamment des producteurs de viande, des producteurs de lait, avec qui on va tout au long de cette émission essayer d'éclaircir un petit peu comment ça se passe la distribution, quels sont les problèmes qu'on rencontre, notamment des producteurs de lait, de viande, comme je disais. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui donc Boris Gaudouin. Bonjour Boris. Oui, bonjour. Donc Boris, il est le président de l'APLI, qui est l'association de production de lait indépendant, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors on va parler un petit peu ce qu'est l'APLI. Également, sur ma droite, j'ai Jean-Michel Burteau, qui fait partie et producteur de lait, c'est bien ça Jean-Michel, que je ne dise pas que des bêtises. C'est bien ça, céréal et producteur de lait. Producteur de lait en cours de reconversion vers le bio, et on verra pourquoi, comment que ça se passe, les difficultés. Et sur ma gauche, je reçois également Fabrice Kilbourg, qui est donc de la coordination rurale, c'est bien ça, Fabrice? Tout à fait, bonjour. Qui est producteur, bonjour Boris, qui est producteur plus de viande, du lait de viande. On va voir un peu, chacun va se présenter pour bien cerner le sujet. Et en ligne, nous avons également Monsieur Richard Blanc, qui est président de Fair France, que vous avez dû certainement rencontrer dans la distribution. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Donc vous êtes le président de Fair France, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, ce que je vous propose, pour commencer, on va attaquer l'émission, on va présenter un petit peu... Ben, Boris, je vous laisse vous présenter ce que vous faites, vos actions menées aussi, qu'est-ce que l'appli aussi. Alors déjà, vous êtes agriculteur, vous faites quoi? Donc, moi, je suis agriculteur donc à Stenay, c'est dans le Nord Meusien, hein, donc dans la Meuse. Donc, je suis exploitant agricole depuis à peu près 18 ans avec un associé, donc en GAEC. On exploite à peu près 200 hectares et on fait, entre autres, à peu près 700 000 litres de lait par an. On fait aussi de la viande et donc des céréales. Donc moi, je suis à l'appli depuis le début, c'est-à-dire qu'on a créé l'appli fin 2008-2009, suite à la première crise, moi je dis la première crise, mais on est toujours en crise malheureusement, depuis la première crise laitière, où le prix du lait a flanché complètement, on est descendu en dessous la barre des 300 euros tonne, c'est-à-dire qu'on est même descendu pratiquement autour des 260-270 euros tonne, même voire moins à certaines régions. Et donc, on voyait que personne ne bougeait. La coordination rurale parlait un peu de grève du lait. Certains commençaient un peu à s'échauffer, mais on n'entendait pas grand-chose dans les campagnes. Et on a eu quelques personnes. C'est parti du sud-ouest. Ils sont partis, ils ont pris leur bâton de maréchal et puis ils sont partis un petit peu rejoindre le Grand Ouest, puisque vous le savez, le Grand Ouest aujourd'hui produit pratiquement un tiers du lait en France. Ils sont partis faire des réunions un peu dans toute la France et ils sont arrivés jusqu'à la Meuse. Donc j'ai fait partie d'une des premières réunions. On nous a rentré dedans, on nous a dit carrément que c'était nous, paysans, c'était de notre faute, et ils avaient pas tort. Aujourd'hui, je continue de le dire, aujourd'hui, si on veut changer le système, de toute façon, il faut que ça soit l'agriculteur qui reprenne en main la situation. Et donc, cette réunion m'a plu, c'était la première fois que j'entendais ce genre de discours, et donc j'ai adhéré totalement dès le début. Et donc, j'ai suivi l'appli depuis le début, j'étais au conseil d'administration, et aujourd'hui, je suis même arrivé à être le président au niveau national, quoi. Alors, quelles sont les grandes ambitions, je vais dire, le grand programme de l'appli? L'appli, la grande chose... C'est syndical ou pas, disons? Non. Le but, c'est dans l'intérêt... Il y a le ID indépendant, et ça, on y tient. Ça n'a pas que des avantages, parce que, vous savez, l'inconvénient, c'est que de rester indépendant, c'est qu'on n'a aucun financement, de la droite ni de la gauche. On est complètement seul à gérer uniquement les cotisations des adhérents, et puis c'est tout. Donc, c'est ça, quand même, un petit peu l'inconvénient. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde somme d'argent. Si on n'a pas trop d'argent, ben, on ne peut pas trop évoluer. Mais on essaye d'évoluer à notre façon. Donc, le but de l'appli aujourd'hui, c'est d'aller vers les adhérents pour leur expliquer exactement qu'est-ce qui se passe depuis des années. Hein, et puis, d'aller vers les politiques pour faire changer un petit peu la donne. Alors, pour faire évoluer les choses, alors, moi, j'aurais quelques chiffres, je pense, qui seraient intéressants pour, concernant le lait. Le lait, aujourd'hui, ça représente quand même 27,7 milliards de chiffres d'affaires. Donc, c'est quand même énorme. Ouais. Le lait, aujourd'hui, c'est 1040 millions d'euros d'investissement. Là, j'ai certains chiffres de 2011, 2012, 2013 au travers de mes recherches. C'est 250 millions d'emplois. C'est plus 3,6 milliards d'euros d'excédent commercial. C'est important, là, pour 2013. La production laitière, c'est le deuxième. La France est le deuxième producteur européen de lait après l'Allemagne. Ouais. Hein, c'est bien ça. Ce qu'il faut, faut dire, oui, surtout, c'est que depuis 2000, on a perdu la moitié des exploitations laitières. Ça, c'est quelque chose qui est effarant et on peut pas laisser ça aujourd'hui. Mais pourquoi? Ah ben parce que si vous voulez, on veut que la production laitière soit industrialisée le plus possible. On veut absolument faire des volumes. Et aujourd'hui, quand on veut faire des volumes et qu'on ne pense qu'à ça, il y a une restructuration totale dans chaque exploitation. On est obligé d'investir. Les agriculteurs qui veulent rester comme ils sont à faire des litrages normaux, entre guillemets, ils ne peuvent plus, quoi. C'est celui qui fera le plus de lait. Alors que nous, on veut maintenir un prix du lait, hein, pour maintenir un revenu, pour maintenir des exploitations familiales, parce que pour nous, c'est ce qui fait le plus d'emplois, c'est ce qui fait nourrir les campagnes. Avec leur système, c'est la désertification de nos campagnes. Et ça, c'est catastrophique. Et puis ça joue aussi sur la qualité du lait. Alors justement, à ma droite, j'ai Jean-Michel qui est producteur de lait. Jean-Michel, je laisse vous présenter ce que vous faites là et puis on va parler un petit peu parce qu'on parle d'évolution et vers de la production de qualité. Déjà, qu'est-ce que vous faites, votre exploitation? Je vous laisse présenter. Oui, bonjour, moi je suis exploitant agricole, producteur de lait depuis plus de 35 ans. Donc vous aviez vu l'évolution des choses aussi, et on peut en parler. Oui, bien sûr. Et comme tout le monde, récemment lu dans un édito d'un journal agricole, je me suis adapté. Allez. Voilà. Mais je me suis adapté, mais... C'est-à-dire contraint et forcé. Au cours du temps. Parce qu'on dit, d'extérieur, je suis du monde rural, donc je peux en parler avec une certaine liberté, si je peux dire, mais je côtoie beaucoup de gens à l'extérieur, et ils disent, ouais, mais les paysans, ils nous emmerdent parce que, voilà, ils produisent, c'est un peu l'image qu'on a, le producteur pollueur. Oui. Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que, évidemment, depuis 35 ans, aujourd'hui, à quelques années de la retraite, je m'interroge sur ma vie d'agriculteur. Alors, je me pose la question, est-ce que j'ai réussi ma vie ou est-ce que j'ai réussi dans la vie d'agriculteur? C'est totalement différent. Sûrement, j'ai réussi dans la vie. Aujourd'hui, j'ai une très belle exploitation, j'ai un associé, on tire des revenus corrects, mais on se pose encore la question, est-ce que c'est encore assez? On nous en demande encore dire, c'est pas assez. Quand je me suis installé, j'avais 40 vaches. J'ai la nostalgie de promener mes vaches dans les prés, déplacer les clôtures. Aujourd'hui, vu le nombre de laitières que j'ai, ils sont condamnés pratiquement à rester au bâtiment, nourris de façon intensive. J'ai réussi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai suivi l'ordre des choses qu'on pouvait lire dans tous les journaux, que les techniciens de coopératives ou autres nous demandaient de suivre. C'est-à-dire qu'on a produit de plus en plus pour pouvoir maintenir un certain revenu. Oui. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, je suis arrivé au bout du système. Parce qu'on me dit que c'est encore pas assez. Voilà. Alors aujourd'hui, on montre un exemple dans les revues agricoles, dans les journaux, ou à la télévision. On voit les reportages récemment. On monte des exploitations avec des robots, deux robots, trois robots. Des fermes à 300 vaches, 1000 vaches. Mais jusqu'où on va aller? Quand on sera plus que 20 000 producteurs de lait en France, alors, quel paysage qu'on va avoir dans les campagnes? Ouais. Quel niveau social ça va donner, ça? Alors justement, je suis en train de, c'est intéressant parce que je suis en train de préparer un ouvrage qui s'appelle Destinée incertaine. Je parle d'industrialisation de l'agriculture. Et dans mes recherches, je suis pas là pour parler de mon bouquin, mais j'ai vu la dégradation et en faisant partie de ce monde-là, je me suis rendu compte un petit peu de la dégradation au cours du temps dans les campagnes. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que on a assez de lait en France? Est-ce qu'on produit assez de lait? On en produit trop de lait. On en produit trop. De toute façon, les catastrophes au niveau du prix ont commencé à arriver à partir de 2008. Il y avait pourtant toujours encore les quotas, mais pour moi, il y avait déjà plus de quotas parce qu'on a commencé à redonner des pourcentages à chaque agriculteur. C'est-à-dire qu'on a voulu commencer à préparer les paysans à faire plus de lait. Et c'est là que ça a commencé le bazar, de toute façon. Donc aujourd'hui, peut-être que les quotas, il y avait peut-être des choses à faire, ça donc c'est sûr. Donc il faudrait garder les quotas aujourd'hui bah, bien sûr, c'est un système de régulation, de toute façon. C'est, ouais. S'il n'y a pas ça, on va à la catastrophe. Alors comment se fait-il? Moi, j'ai réalisé des études. On va chercher entre 12 et 15% de lait, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Bah parce qu'il est moins cher, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des producteurs chinois, ça, il faut le dire, il y a des producteurs chinois qui jettent leur lait. Alors, ils ne font pas la grève de lait comme nous, on a fait en 2009, pour protester, non. Ils sont forcés de jeter leur lait parce que personne ne ramasse leur lait. Pourquoi? Parce que la Chine, les industriels chinois ont fait des contrats où vont chercher du lait en Europe, notamment en France, parce qu'il est moins cher. Et on a dit aux producteurs français en même temps, vous inquiétez pas, le lait qui aura en surplus, on va avoir des contrats avec les Chinois, il y a de l'avenir parce qu'il y a un marché en Chine. Mais en même temps, alors nous, ils nous font crever parce qu'en plus, ils nous payent pas notre lait, hein, ça c'est clair. Et en plus de ça, ils font crever les producteurs chinois. C'est une catastrophe. Ouais. On peut pas continuer à. Et moi, ce que je veux vous dire quand même, c'est que je suis arrivé à l'appli parce que il y a un moment donné, j'ai fait comme Jean-Michel, j'ai suivi tout ce qu'ils ont dit, j'ai suivi tout au pied de la lettre. Puis à un moment donné, un matin, je me suis réveillé en me disant, c'est pas possible. Je ne suis pas paysan, je ne suis pas producteur de lait pour continuer à faire ça. Ce n'est pas possible. Alors, c'est quand même dommage, un tel casse-pillage, parce que je ne sais pas si vous savez, dans mes recherches, justement, ce qui est intéressant, quelle est la quantité d'eau nécessaire pour produire un litre de lait? C'est pas un piège. C'est pour faire prendre conscience, justement, à nos auditrices, nos auditeurs, l'importance de ne pas casse-piller du lait et puis de ce gâchis que nous faisons. Pour un litre de lait, vous savez combien il faut de litre d'eau? 1000 litres d'eau, parce que ça s'appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire que ben le lait, vous êtes exploitant agricole, vous avez des vaches, le lait vient pas comme ça tout seul, il faut avoir que la vache puisse avoir un veau, enfin bref, mais c'est quand même important. Alors, tout ce qu'on produit, de toute façon, Il faut 100 litres pour d'une salade, enfin bref, d'où l'importance. Je voudrais revenir un petit peu, Jean-Michel, là, par rapport à ce qu'on disait, parce que là, vous avez un projet de réorientation. Oui. Quel projet? Est-ce que c'est justement ce projet de réorientation, ça va permettre d'améliorer les choses? Parlez-nous déjà de cette réorientation. La réorientation, c'est-à-dire que moi, j'ai voulu quitter ce monde de stress permanent, de pression permanente, hein, d'endettement, de toujours plus de travail, de plus en plus de performance. Mais on nous demande ça à nous, mais dans le monde salarial, c'est pareil. Je veux dire, c'est une mentalité qu'il faut rechanger. C'est la politique du citron pressé. C'est une politique qui est générale, dans tous les domaines. Hein. Donc celui qui a les moyens de pouvoir quitter cet environnement, oui, mais comment, il faut alors qu'il le fasse. Mais comment? Alors moi, j'ai décidé de faire un virage complet. C'est-à-dire que là, je suis en conversion bio. Alors, c'est sûr que quand on annonce ça autour de soi... Quand on a une ferme, je ne dis pas que j'étais une ferme modèle, mais j'étais une ferme d'exemple, quoi, classique, qui tournait bien, avec des résultats, des vaches performantes, des cultures performantes. Hein. On me dit, mais c'est un gâchis. Les gens ne comprennent pas. Et non, ce n'est pas un gâchis, parce qu'aujourd'hui, moi, je veux revivre dans un environnement qui me plaît. Hein. Je veux quitter cette pression de consommer toujours plus. C'est sûr qu'autour de moi, ça va faire un changement, surtout pour ceux qui viennent tous les jours taper à ma porte, qui ont quelque chose à vendre. Là, ils n'ont non seulement plus rien à vendre, mais c'est moi qui vais pouvoir reprendre en main ma production, hein, et pouvoir de nouveau la renégocier. C'est-à-dire que je redeviens acteur de mes produits. Alors, ça signifierait, est-ce que les agriculteurs, parce qu'à la base, je rappelle qu'il y a des coopératives qui existent, qui à la base ont été mises en place par les agriculteurs, est-ce que vous sentez que vous avez perdu la main mise, si je veux dire, sur ce travail-là et que vous voulez reprendre vos droits, si je peux dire ? Ah ben, oui. Complètement. Ben, le système coopératif en lui-même, c'est quelque chose de génial. Oui. À partir du moment, c'est comme nous, que ça reste à taille humaine. Hein, une exploitation... génial, c'est le reste à taille humaine qu'on la maîtrise. Une coopérative, c'est la même chose. Il existe des petites coopératives. Moi, je suis adhérent à une coopérative, une CUMA d'entraide de matériel. C'est génial parce que à taille humaine, on se connaît tous. Hein, quand on veut acheter un matériel, on se téléphone, on se réunit, on boit un coup ensemble. On se connaît. Les coopératives, aujourd'hui, sont devenues des monstres. Des monstres où on ne représente plus qu'un numéro. Et ce numéro-là, on veut qu'il consomme le plus possible. On veut des volumes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que plus on fait de volume, plus on gagne. Donc on est dans un système... Est-ce au détriment de la qualité aussi ? Est-ce qu'on perd sur la qualité ? Ça, c'est sûr. Obligatoirement. Alors, obligatoirement parce que un volume dilue la qualité. D'accord. Alors justement, on va en parler après avec Fabrice au niveau de la viande. Mais là, j'ai en ligne justement Richard Blanc de Fair France. Richard, là, je vous entendais, vous allez réagir. Est-ce que c'est au détriment de la qualité ? Répondez-moi, au revoir. Bah, à partir du moment où on industrialise les choses, surtout en alimentation, ce qui est quand même le principal de la vie. Quand vous vous réveillez au matin, le principal de la vie, c'est d'abord de déjeuner, parce que si vous mangez pas, vous mourrez. Et la santé, elle va avec ce qu'on mange. C'est 90% de la santé, c'est ce qui vous passe par la bouche. Et c'est ce qu'on dit aussi, nous, avec la gueule de nos vaches. Ouais. Vous savez, une vache qui est en bonne santé, c'est qu'elle mange bien. Hein. Ouais. Et si elle mange bien, elle vous le rend bien. Et bien, c'est exactement pareil chez l'homme. Hein. On a tendance à l'oublier. Et c'est génial d'être dans des pays où on oublie que pour vivre, il fallait manger. Franchement, c'est génial. Et on a fait du lobbying au niveau Parlement européen. On a piégé 5 députés européens en leur demandant de nous raconter leur matinée. Hein. Ça a été assez simple. On a dit, vous racontez pas vos histoires avec vos maîtresses, ça nous regarde pas, pour un peu les flouter. Elle dit, vous dites simplement ce que vous avez fait. Ben, la plupart ont dit, me suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mes dossiers, j'ai pris le train, je suis allé au Parlement, ou j'ai pris le taxi. Ou... Mm-hmm. Les 5 premiers avaient complètement oublié de nous dire qu'ils avaient déjeuné. Mais je peux vous dire qu'il y en a certains, s'ils ne déjeunaient pas, ils étaient en hypoglycémie, sûr. Eh oui. C'est une preuve par là qu'on est dans des pays où on oublie que pour vivre, il faut manger. Et tout ce qui vous passe par la bouche, c'est 90% de votre santé. Et ça, les gens l'oublient. Parce que, surtout en France, le Français, il a surtout le cœur à gauche, mais il a le portefeuille à droite, hein, quand il faut qu'il commence à payer un peu plus cher, parce que la qualité, ça se paye. Hein, on n'a pas une Rolls-Royce pour le prix d'une 2 chevaux. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des solutions, justement, pour se payer, je veux dire, l'image, une Rolls-Royce au prix d'une 2 chevaux ? Est-ce que, parce que, justement, vous allez nous parler de Fair France, est-ce qu'on ne peut pas réduire peut-être les circuits qui permettent de valoriser le travail de l'agriculteur, d'avoir, au niveau du consommateur, une meilleure qualité ? Ben si, la qualité, elle a quand même un coût. Aujourd'hui, vous avez le litre de lait au magasin, vous avez du litre de lait en promotion à 60 centimes. Il faut savoir qu'à 60 centimes, les magasins l'utilisent comme produit d'appel, comme ils ne prennent pas de bénéfice sur le Coca-Cola, parce que le magasin ne peut pas faire sans le lait et il ne peut pas faire sans le Coca. Mais qu'est-ce que ça représente ? À 60 centimes, utiliser le lait comme produit d'appel, c'est parce que les supermarchés, les centrales d'achat ne savent pas ce que c'est que d'être derrière le cul des vaches. Ils ne savent pas le boulot que ça donne. Mmh. Et on est en train de dégoûter tous les agriculteurs qui sont là derrière. Parce que si on brade le produit laitier, qui est un produit très dur à faire, eh ben forcément, le monde agricole il diminue et on industrialise la production agricole. Moi, j'ai une réflexion de dire, les industriels, dans le temps, ils étaient bien comptés. Pour avoir rencontré un directeur de chez Nestlé qui s'appelait Monsieur Robin, quand on participait à la discussion des prix du lait payés aux producteurs, un jour, je lui dis, Monsieur Robin, le GAEC de l'aide milieu, c'est le nom de notre GAEC chez nous, oui. Il dit, il est à vendre. Oh, je dis, vous nous donnez pas d'argent, vous transformez ça en actions Nestlé, puis vous nous donnez un bon salaire et continuera à vous faire le lait. Il m'a répondu, mais monsieur Blanc, vous nous faites un lait si bon marché. Et ils l'ont bien compris, les industriels. Que les agriculteurs qui ne savent pas s'unir, qui ne savent pas dire, ben, on est en train de vous faire. Je connais des éleveurs de porc qui font partie de Fair France, qui font aussi du porc industriel, qui ne mangent plus de leurs cochons. Je connais des éleveurs de volailles industrielles qui ne mangent plus de leurs volailles, ils en font à côté. C'est quand même un monde, on est devenus des producteurs qui bientôt n'oseront plus manger des produits qu'on fabrique. Il faut quand même arrêter, sur quelle spirale on s'en va. Et tout ça, c'est le consommateur, il ne veut pas payer. Le consommateur, il ne veut pas, mais il ne se rend pas compte dans le mal dans lequel il nous entraîne. Et mal dans lequel il s'entraîne. Justement, Faire France, est-ce que, Richard, vous pouvez nous présenter Faire France, et qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les actions que vous menez? Qu'est-ce que vous proposez? La première action, l'action Faire France, d'abord, c'est une émanation de l'appli. J'ai fait partie, comme Boris, des gens qui se sont réveillés, grâce à quelques-uns qui ont mis le doigt sur les choses. Hein, un peu comme Jean-Michel aussi, je me suis... Nous, quand on a eu la crise du lait, on était prêts aussi à passer bio, mais on n'a plus osé parce qu'il faut une réserve financière pour faire ça. Ouais. Alors, Faire France, c'est une émanation de l'appli et c'est aussi un peu de la coordination rurale. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, il arrive un moment, il faut arrêter de manifester, il faut arrêter de se plaindre, il faut se reprendre en main. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute à nous, agriculteurs. On n'a pas su parler de notre métier, on n'a pas su expliquer là où ça en allait. Alors l'idée, c'est de dire, on va créer notre propre marque. Et la marque Faire France, alors on n'a rien inventé, on a fait un copier-coller à Faire Belle. Si les gens ils vont sur Internet et qu'ils font Faire Belle ou qu'ils font Faire France, ils verront le même site en changeant de couleur. Au lieu que ça soit noir, jaune, rouge, ça sera bleu, blanc, rouge. Mais l'idée, c'est de dire, on va remettre les agriculteurs devant les consommateurs. Donc, on doit aller, celui qui investit chez nous, il doit aller passer 2 journées par an au minimum pour aller dans les magasins faire la promotion de la marque Faire France. C'est-à-dire que l'agriculteur va expliquer son métier aux consommateurs. Et le consommateur, déjà d'une, pour que le consommateur n'oublie pas que c'est quand même les paysans qui le nourrissent. Hein, pour bientôt, les enfants, le poisson, il est carré, hein, ils ne savent pas où il est. Bientôt, la boîte de lait, ils ne sauront plus que ça sort d'une vache. Et deuxièmement aussi, et l'idée principale, c'est que pour que le consommateur n'oublie pas, que l'agriculteur n'oublie pas qu'il faut faire ce que le consommateur demande. Parce que aujourd'hui, le consommateur, il consomme la télévision. Il consomme consomme ce qu'on lui met devant, dans son rayon. C'est pas lui qui le demande. Aujourd'hui, on essaye d'inverser les choses. C'est au consommateur à se reprendre en main. Mais il n'est pas obligé de payer 10 fois le prix. C'est pas ça. On peut faire des produits corrects à des prix corrects. Mais donc, ce que vous soumettez, c'est que... si je peux me permettre, Richard, c'est que en fait, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution mènent par le bout du nez le consommateur. De toute façon, l'industrie agroalimentaire, vous savez, Emmanuel Beignet, Lactalis, ils font du lait parce que le fromage ça rapporte. Mm-hmm. Si les couches culottes ça rapporterait plus, ils feraient des couches culottes. Vous savez, ces gens-là, ils font du fric. Maintenant, vous avez affaire à... Dans le temps, Monsieur Nestlé, qui a démarré Nestlé, il s'appelait Monsieur Nestlé. Il avait soin de ses salariés, il avait soin de ses producteurs. Aujourd'hui, Nestlé, c'est dirigé par un PDG salarié à qui les actionnaires demandent des dividendes à 2 chiffres. Justement, ce serait bien que vous faites un petit peu cet historique. On avait parlé en préparant l'émission. Parce que c'était familial à la base. Comment ? C'était familial. Ah ben oui, c'était familial, c'était géré en bon père de famille. Aujourd'hui, il y a des groupes, cherchez le prix d'une action Nestlé, vous ne trouverez pas, c'est coté en bourse, mais il n'y en a pas à vendre, donc ça ne se vend pas, c'est comme chez Emmanuel Beignet. Mais ces gens-là, je n'ai rien contre ces gens-là, ils ont fait faire du développement, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des financiers qui demandent des dividendes à 2 chiffres. Je vous dis, si Peugeot fait des voitures, c'est parce que ils gagnent de l'argent avec des voitures. Si demain, ils gagneraient plus à faire des couches culottes, ils feront des couches culottes. Le problème, il est là, quoi. Et bon, et on aussi, non plus, on peut pas aller contre le modernisme, hein. Attention. Oui, il faut évoluer, mais aussi en prenant en considération les intérêts des populations et des consommateurs. Alors justement, La sociétale, elle est comme celle-là, et tout le monde doit vivre ensemble et savoir, et surtout sur la nourriture, c'est le point le plus important. C'est 90% de votre santé, la nourriture. Alors, la nourriture, je rappelle que le lait, c'est la deuxième production derrière la viande. Alors justement, sur le plateau, j'ai Fabrice Kilbourg, qui est de la coordination rurale, mais avant tout, c'est un exploitant agricole, c'est un producteur de viande. Fabrice, je vous laisse vous présenter. Oui, donc voilà, je m'appelle Fabrice Kilbourg, je suis exploitant agricole dans un petit village qui s'appelle Freibus, qui se situe entre Saint-Avold et Morange, en Moselle. Donc, je suis actuellement en société, en EARL, de façon individuelle. Quand je m'étais installé, j'étais associé avec ma mère. À l'époque, il a fallu trouver des sources de revenus supplémentaires. Donc, plutôt que de développer l'exploitation, sachant qu'à terme, je serais seul, ça aurait peut-être pas été la meilleure solution. J'ai préféré partir sur la vente directe. Donc, on fait de la vente de viande en caissette, directement aux consommateurs. Il faut aussi dire que ça a un avantage, c'est que c'est quand même nettement plus gratifiant que les animaux qu'on peut vendre dans le circuit normal, puisque là, on a un retour directement du consommateur, et quand le consommateur est content, il nous le fait savoir. Ça, c'est en plus de l'aspect économique. Hein. On se rend quand même compte qu'aujourd'hui, le consommateur vient de plus en plus vers nous. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que chaque année, on a une journée porte ouverte où on accueille tous nos clients et les autres personnes, bien entendu, pour leur expliquer un peu notre métier aussi. Parce qu'on se rend quand même compte que les 40 dernières années, l'activité agricole s'est fortement réduite. Les gens ont perdu de vue un peu notre métier. Et il faut aller vers eux pour leur expliquer toutes ces choses, parce que on a souvent affaire à des gens qui ont des mauvaises interprétations. Et comme l'a dit Richard, aujourd'hui, ils sont informés par la télévision qui, parfois, plaide pas toujours en notre faveur non plus. Qui est un moyen de communication qui est de la désinformation et jeune des cours de marketing, et je peux dire des fois même c'est polluant, quoi. Vous savez, c'est la définition du marketing que je donne aux gens, c'est laquelle? Vous savez ce que c'est que le marketing? C'est de rendre indispensable l'inutile. Et la deuxième définition que je donne, c'est d'utiliser la connerie de l'autre pour imposer sa propre connerie. Alors il y a des profs de marketing qui vont m'entendre, ça les faire un peu rebondir, mais malheureusement c'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui on est à une société de consommation, on fait consommer plus, mais de gaspillage. Je rappelle que 50% de la production alimentaire mondiale est gaspillée. C'est inadmissible. Qu'aujourd'hui, les restaurants du cœur, ils ont du mal à joindre les bouts. Je recevais d'autres associations aussi, que les gens qui meurent de faim, je pense que c'est pas normal et qu'on gaspille d'un côté. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle, mon engagement. Voilà un petit peu. Alors, justement, est-ce que, grâce à ça, ça a permis de conforter certains revenus pour vous, l'exploitant Fabrice? Et d'un autre côté, ça a sensibilisé aussi les consommateurs à manger autrement. Oui, je pense. Il est clair que, étant donné qu'il y a moins d'intermédiaires, il y a plus de marge pour nous. Le consommateur, je ne suis pas persuadé qu'il paye beaucoup plus cher, parce qu'il payera au même prix, mais pour une qualité supérieure. Même, j'ai vu, en général, parce que ce que vous faites, c'est une représentation, je veux dire, locale, mais qui est nationale, parce que partout en France, de plus en plus, ce type de distribution, de rapprochement producteur-consommateur se fait, c'est bien ça? Oui, c'est dans l'air du temps, on va dire. Ouais. Le consommateur comprend aussi que... Comment ça réagit? Voilà, je pense qu'il y a aussi de ça. Il n'y a pas que du côté des agriculteurs, il y a également du côté des consommateurs. Après, il faut aussi dire que d'un autre côté, on maintient aussi l'emploi local, parce que ce n'est pas nous qui découpons nos animaux. On fait tourner un atelier de découpe dans le village voisin. L'animal est abattu dans un abattoir à moins de 50 km. Donc, je veux dire, même si on prend deux bêtes à qualité au départ de l'exploitation semblable, rien que le fait que le transport sera beaucoup moins long, forcément, il y a moins de stress pour l'animal et on a une meilleure qualité à la fin. Moins d'émissions de CO2 aussi. Enfin, c'est un geste éco-citoyen. Mais justement, au niveau sanitaire, Boris, est-ce qu'aujourd'hui, la France, nous sommes... comment nous nous situons? Est-ce que ça peut pas causer des problèmes sanitaires? Parce qu'il y a des gens qui me posent la question, ils disent, oui, mais au niveau sanitaire, comment ça se passe? Sanitaire, c'est très simple. Hein. En France, on n'a aucun souci. Et puis quand on parle de libre-échange entre les États-Unis et chez nous et puis d'autres pays, on chlore le poulet. Comme ça, là, il est complètement bien sain. Hein. Donc là, il n'y a aucun souci. Et puis on fait tout comme ça. Donc on ne peut pas supporter ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Dangereux. Alors justement, Richard, oui, dis-toi. C'est assez simple. Vous savez, aujourd'hui, on dit zéro listeria dans les fromages au lait cru. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la listeria, c'est très mauvais pour les personnes, les vieillards, et très mauvais pour les bébés. Jusqu'à maintenant, on met pas de maroilles dans les biberons des bébés. Et les vieillards, ils ont qu'à se passer du fromage au lait cru, entre guillemets. Mais le jour où il va traîner une listeria en France, ça va faire des morts. Hey. Parce qu'on n'a plus l'habitude de manger ce microbe. Enfin, je ne sais pas si vous êtes médecin ou si vous comprenez, mais l'idée, c'est de dire les microbes, il faut vivre avec. Hein, et il ne faut pas en manger. Trop, c'est trop. Pas assez, c'est plus du tout, c'est encore pire. Il faut que le corps humain s'habitue à manger quelques microbes. Vous savez, dans le temps, moi, je fais partie de ceux qui disent, alors là, dans 20 ans, on dira si j'avais raison ou pas. Enfin, si nous avions raison, parce que je ne suis pas un maître dans la matière, mais moi, je fais partie de ceux qui disent aujourd'hui, les gens qui vivent jusqu'à 100 ans, c'est parce que jusqu'à l'âge de 50 ans, ils n'ont pas mangé de saloperies. Ouais. Alors, pour donner une information, vous voyez, je travaillais, comme je disais, bon, c'est, je veux dire, en toute modestie, justement, par rapport à l'immunisation, il y a des études très intéressantes qui ont été mises en place, notamment par en comparatif entre l'Allemagne, des exploitations agricoles en Allemagne et au Japon, les villes. Et il faut savoir que 80% de la population japonaise, donc au Japon, ont des allergies. Et justement parce qu'ils vivent dans un milieu aseptisé. Et en comparatif, il y a eu d'autres études qui ont été faites en milieu rural, justement sur des exploitations agricoles. Ils ont pris des enfants qui avaient pratiquement aucune allergie parce qu'ils sont justement, bah, ils développent des anticorps parce qu'ils sont sur place et dans l'exploitation, donc avec le foin, la paille, avec, bah, ils vivent dans la nature, quoi. Et justement, ça réconforte ce que dit Richard. Ce que je vous propose, eh ben, c'est, on arrive à la demi-heure, ça va vite une émission, hein. C'est qu'on fasse une courte pause musicale. Et on va revenir un petit peu là-dessus pour exprimer à nos auditrices et auditeurs, ne mangeons pas n'importe quoi. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Une magnifique chanson qui est de circonstance, qui a été choisie par mes amis agriculteurs et notamment par Boris. Alors justement, là on parlait un peu juste avant de d'un côté, il faut rassurer le consommateur, parce qu'il y a la vache folle, il y a eu tout ça. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui là-dessus? Justement, vous qui êtes producteur, Fabrice, de viande, aujourd'hui, il n'y a plus de problème, c'est effacé tout ça, il n'y a plus de soucis. Bon, je pense qu'il faut quand même dire que la France, c'est quand même un pays où on a une traçabilité qui est au top. Hein. C'est aussi peut-être ce qui génère des coûts de production un peu plus élevés. Et quand le consommateur se retrouve face à deux produits, s'il y en a un qui est vraiment pas cher, il faut aussi qu'il se pose la question du pourquoi. Nous, agriculteurs, on ne paye pas l'ISF, donc c'est déjà pas dans notre poche sûre. Hein. Je pense quand même qu'au niveau sanitaire, on est vraiment au top. On est hyper suivi, on est quand même responsable. On est des éleveurs Bien que certains pourraient dire le contraire, je pense qu'on aime notre métier, on aime notre troupeau, on fait tout ce qu'il faut pour s'en bien sûr. Être. Hein. Ben, être paysan, je veux dire, si je peux dire, c'est une vocation, comme pour être un prêtre, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas non plus paysan, bien que dans certaines productions, c'est, ça a évolué aussi. Ben, j'ai envie de dire que c'est tout à fait ça, et c'est peut-être même notre point faible. C'est grâce à cet amour propre que l'industriel peut profiter de nous. Mmh. Parce que dans un autre modèle industriel, quand c'est plus rentable, on arrête. Que nous, on n'arrête jamais. Mmh. Parce qu'on s'est vu transmettre l'outil de travail. Et pour ma part, en tout cas, le but, ça serait de pouvoir la retransmettre à mes enfants s'ils le désirent. Quoi. Mais aujourd'hui, le consommateur, il faut aussi qu'il se remette un peu en question et qu'il sache qu'autour de lui, il y a plein de monde comme nous qui produisons. Et il peut aller directement consommer chez ces gens-là. Oui, parce que notre émission, elle passe partout en France. Et partout près de chez vous, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez sur des sites internet, il y a plein de sites. Et il y a des producteurs, voilà. Comme le fait Fabrice, parlez-en. Alors, d'un côté, vous avez des associations où les producteurs essayent de s'organiser hein, pour proposer leurs produits, mais vous avez aussi des consommateurs, par le biais des AMAP, qui s'organisent pour trouver leurs producteurs. Il y a des paniers qui sont à disposition. Il y a plein de choses qui existent. Hein, et il faut faire rentrer ça dans la tête des gens que... c'est accessible, c'est pas forcément plus cher, c'est certainement de meilleure qualité. Il y a un autre problème aussi au niveau agricole, c'est que j'ai envie de dire, ce modèle industriel, on essaye déjà de le faire rentrer dans la tête de nos jeunes à partir du lycée, et du lycée agricole même. Hein. Moi, j'ai régulièrement des stagiaires. Chaque stagiaire que j'ai, quand on discute avec, faudra que j'ai 300 hectares pour pouvoir vivre. En face de mon exploitation, j'ai deux frères qui se sont installés sur 5 hectares. Ils vivent très bien. Qu'est-ce qu'ils font de la production des pondeuses, de la volaille. On a développé un partenariat. Quand ils ont un client qui veut de la viande, ils viennent chez moi. Quand j'ai un client qui veut des œufs, ils vont chez lui. Quand le jour où je fais ma porte ouverte, on organise un marché fermier. Cette année, on sera 14 producteurs. C'est tous des copains, soit de classe, soit des gens qu'on a rencontrés. L'un fait des yaourts, l'autre fait... On essaye vraiment de proposer toute une gamme, toujours dans ce but d'avoir de la qualité et de satisfaire le consommateur. Quoi. Mais est-ce que, Boris, si, je veux dire, à l'abstrait, je ne vais pas aller jusque-là, si tout le monde, tous les producteurs, les viandes, fruits, légumes, reviennent à une reprise en main de la distribution directement chez le consommateur, mais ça va faire du chômage, l'industrie, l'industrie agroalimentaire et tout ça. Non, c'est quasiment impossible à faire sur la totalité du territoire. Bien sûr. Si on faisait ça, le bassin parisien mourrait de faim, quoi. Donc c'est pour ça que nous, quand on a fait le Fair France, si vous voulez, c'est du circuit court, j'aime bien dire ça, c'est du circuit court, mais à l'échelle nationale. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourrait pas vendre du lait cru, ou alors si, on pourrait vendre du lait cru aux consommateurs. Mais aujourd'hui, le lait cru, c'est pas en mode, c'est pas la mode, quoi. Personne ne boit du lait cru. Il faut que ça soit travaillé. Mis en demi-écrémé, même au pire. Faut que ça soit bien transformé, que le consommateur n'ait plus qu'à ouvrir le bouchon, quoi. C'est tout. Donc c'est pour ça que nous d'ailleurs, quand on est dans les animations de magasins, on dit carrément aux personnes, mais si vous ne voulez pas le lait Fair France, au mieux allez chez le producteur, allez chercher directement le lait chez le producteur. Alors justement, Richard, vous allez nous en parler un petit peu. Fair France, ce que c'est, on trouve du lait un peu partout aujourd'hui en France. Quels sont vos réseaux de distribution? Oui, alors le lait Fair France, vous le trouvez partout. On est rentré dans les grands distributeurs, à commencer par Carrefour. Avant, on était référencé au niveau national à Intermarché, mais maintenant, on n'y est plus parce qu'ils ont voulu négocier notre prix. Au niveau Auchan, on est référencé. C'est à nous de décider, les directeurs des magasins Auchan, à prendre notre lait, à expliquer ce qu'on fait. Mais qu'à chaque litre de lait Fair France vendu, il y a 10 centimes qui revient directement chez les agriculteurs qui participent à Fair France. C'est le point. En fait, quand on est payé 35 centimes au litre, nous, ce qui nous manque, c'est d'avoir au moins d'être payé 45 centimes au litre. À 45 centimes au litre, on peut continuer à faire de la qualité. Alors, on est dans les systèmes U. Pas mal. Les Leclerc qui veulent bien nous prendre. Leclerc, on a quelques références en niveau des centrales Leclerc. Et puis, dans l'Aisne, dans votre coin, la centrale La Scapès, qui fait tout l'Est et le Nord, pas tout à fait le Nord de la France, qui est une des plus grosses centrales Leclerc, on est référencé chez eux. Et donc, on allait Leclerc qui nous mette bien en avant, quoi qu'on en dise. Vous savez, au début, on avait peur un peu des centrales d'achat, des supermarchés. Moi, le premier, puisque c'est moi qui ai été négocié au départ avec les centrales, ben, je peux vous dire qu'on a été bien reçus. Contrairement à ce qu'on croit, ce sont pas des bandits comme on croit. Vous savez, ils font du commerce. À partir du moment où il y a trop de lait sur le marché, eh ben, eux, ils attendent que les gens se déculottent pour vendre. C'est, on appelle ça faire du commerce, acheter le moins cher pour être bien placé pour vendre. Et comme il y a trop de lait sur le marché, eh ben, ils savent, ils ont pas besoin de négocier. C'est les coopératives ou les industriels qui vont brader leur lait pour que le lait y parte. C'est le principe de l'offre et de la demande. Ben, c'est le principe de l'offre et la demande. On peut pas leur en vouloir. Mmh. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en place Fair France? Parce que quand on a préparé l'émission, j'ai rencontré d'autres personnes aussi et représentants de Fair France, mais aussi d'autres associations, qui me disaient que il y avait des lobbies qui étaient là, qu'on a tout fait pour ne pas que vous puissiez mettre en place ces réseaux. Alors ben déjà d'une, c'est assez simple. On a écrit à toutes les coopératives, tous les industriels laitiers qui étaient capables de faire du lait UHT. Parce qu'on a démarré par le lait UHT demi-écrémé, tout simplement, parce que c'est 2 milliards de litres de lait consommés en France. Mmh. Et on veut faire connaître notre marque par ce biais-là, et c'est beaucoup de lait. On voulait aussi revenir à une qualité de lait UHT, parce qu'il y a lait UHT et lait UHT. Et en fait, on a écrit à toutes les coopératives, à toutes les faiseurs de lait, il y en a une vingtaine en France, hein, et il y en a qu'une qui nous a répondu, une industrie privée, c'est la laiterie LSDH de Saint-Denis de l'Hôtel. C'est monsieur Emmanuel Vassenex et son frère et puis sa sœur qui sont propriétaires de cette usine et qui ont bien voulu nous mettre notre lait en bouteille. Et c'est grâce à eux qu'on a marché. Mais aucune coopérative a voulu travailler avec nous. Mais pourquoi expliquez-nous. Parce qu'on les embête. Vous savez, c'est le lobbying. C'est la coopérative, encore une fois, elle arrive un peu comme les industriels. Ils veulent faire de l'argent. Alors, la qualité, de toute façon, si vous faites pas de qualité ou gustative, au moins, la qualité peut être gustative, mais elle peut être néfaste aussi pour la santé. Tout dépend. Vous pouvez manger quelque chose qui vous semble bon, mais ça peut être mauvais pour la santé. Et en fait, ces qualités-là, ils sont devenus des industriels laitiers qui veulent gagner de l'argent et qui veulent faire tourner leur coopérative. Vous savez, les agriculteurs, ils produisent de trop. Les coopératives, aujourd'hui, d'ailleurs, je félicite les producteurs, les industriels privés qui disent à leurs producteurs de lait aujourd'hui, ils disent, attention, vous avez signé un contrat avec moi, il est hors de question que vous produisiez plus. Aujourd'hui, les coopératives, c'est tout à fait le jeu. Si elles ramassent tout le lait qu'elles peuvent, elles le ramassent pour faire tourner leur usine. Mais les salariés, ils vivent peut-être dans la coopérative. La coopérative, elle vit, mais les producteurs de lait ne vivent plus. Alors, ça ne peut pas aller, quoi. Alors que le principe d'une coopérative, c'est quand même les producteurs qui doivent la faire vivre et faire vivre aussi les producteurs. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une symbiose. Le gros problème de l'industrie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, demain, aujourd'hui, au niveau syndical, les grands syndicats, la FNSEA ou la FNPL, pour ne pas la nommer, c'est assez simple. Ils sont aujourd'hui, au niveau national de la FNPL, vous avez 75% des élus, ce sont des administrateurs de coopératives. Ça ne peut pas aller. Il y a du conflit d'intérêts dans l'air, presque. Oui, un conflit d'intérêts, ça devrait être interdit, ça. Aujourd'hui, au niveau de la FNSEA, vous avez Xavier Belin, qui est président de la FNSEA, Xavier Belin, c'est un capitaine d'industrie, c'est Sophie Protéol, il est président du directoire de Sophie Protéol. Je vous raconte pas le salaire, hein. Il y a même personne qui ose lui demander. Oui, mais à la limite, si ça fait vivre, je veux dire, comme je dis, bon, le salaire qu'il a, c'est pas grave, à partir du moment que ça fait vivre beaucoup de gens, bien aussi. Mais la répartition n'est pas très bonne, quoi, hein. Faut pas exagérer. Le principal, oui, la répartition de la richesse, elle est vraiment pas faite, hein. C'est forcément quand vous êtes c'est la finance. Moi, j'ai rien contre la finance. Oui. Ce que j'ai surtout contre, c'est les politiques, et Xavier Belin en fait partie, qui les laissent faire. Les problèmes, c'est notre ennemi, c'est pas la finance, c'est les politiques qui les laissent faire. Alors on a un ministre d'agriculture, le monsieur Le Foll. On a eu monsieur Guillaume, à l'époque, qui était ministre, je me rappelle, de l'agriculture, justement, Jean-Michel. Est-ce que nos politiques jouent bien le jeu, jouent leur rôle sur cet échiquier? Ben, les politiques, moi déjà, je ne sais pas s'ils jouent bien leur rôle, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de compétences et de compréhension. Parce que on se demande s'ils sont ils évoluent dans le même monde que nous, quoi. Alors évidemment, de temps en temps, ils font des semblants de consultation en descendant dans les fermes, bien propre, aseptisé. Net, bien aseptisé, bien avant leur passage, etc. Ouais. Où tout est cadré, etc. Bon, ça, c'est pour leur image. Hein. Mais aujourd'hui, quand on voit à quoi est réduit notre ministère de l'Agriculture, là, en ce moment, c'est-à-dire, il n'y a plus vraiment un grand ministère. Moi, ce que je propose aujourd'hui aux politiques, c'est de faire un grand ministère. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dissocier un ministère de l'Agriculture, un ministère de l'Alimentation et le ministère de la Santé. Et en même temps, un ministère de l'Environnement. Il faut que ces quatre ministères-là, ça en fasse plus qu'un. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'environnement, de la nourriture, de la santé. C'est pas possible. Donc, finalement, comme ils sont chacun, il y a des ministères distincts. Il y a des lobbying distincts qui agissent. Oui, il y a un cloisonnage. Il y a un cloisonnage. Donc, quand le ministère de l'Agriculture veut prendre des mesures en faveur de la santé, parce que il y a eu des échos vis-à-vis de la santé, du ministère de la Santé, comme quoi il y avait des dérives, etc. Mais d'un côté, il va y avoir le lobbying des industriels agricoles qui va faire pression. Inversement, pareil, dans l'autre sens aussi. Alors j'ai dit, la solution, ça serait de faire un grand ministère. Moi, je vous propose ça, et ça serait vraiment un grand chantier d'un gouvernement, quoi. Enfin, un des grands chantiers. À mettre en place. À mettre en place. Alors, une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que, on a vu tout à l'heure, Boris parlait et disait, on a perdu beaucoup de producteurs de laitiers, producteurs de viande. Mais il y a un autre phénomène, est-ce qu'il n'a pas participé? Parce que je vois que de plus en plus de jeunes, moi je travaille dans le domaine de la santé, notamment le recrutement des médecins, on manque de médecins dans les campagnes, qui désertifient, mais d'autres secteurs d'activité, et notamment pour dans le métier, les jeunes agriculteurs, qui vont privilégier plus la production céréalière que de faire du lait ou de la viande. Est-ce que c'est un phénomène qui se développe en se disant « moi j'ai moins de boulot, puis je gagne mieux ma vie ». Est-ce que c'est pas un phénomène qui se développe aussi ? Moi je voudrais dire une chose par rapport à ça, c'est que on a habitué les industriels à leur fournir de l'alimentation finalement pour rien. C'est-à-dire qu'il faut revenir quand même dans les années 30, après-guerre, années 40-50, où là il fallait produire. Il y avait eu le plan Marshall, je rappelle. Voilà, donc tout le monde avait quasiment 2-3 vaches. Le monde salarial, il était quand même pas terrible non plus. Les salaires n'étaient pas très hauts. La paysannerie, à la rigueur, s'en portait peut-être un peu mieux même que les ouvriers. Il y a eu un moment donné, donc c'était une histoire vraiment familiale. Les fermes étaient familiale, il y avait de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre où on ne payait pas le frère, on ne payait pas la sœur, on ne payait pas la mère, pas trop de protection sociale et tout. Donc le plus dur là-dedans, c'était de travailler manuellement parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, le monde salarial a quand même évolué, ils ont arrivé à s'organiser, et ça, c'est bien pour eux, ils ont eu raison. Mais sauf qu'en agriculture, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le frère, la mère et toute la famille a commencé à aller trouver du travail à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a un réel problème de main-d'œuvre. Et donc, quand on dit qu'il nous manque 100 euros sur 1 litre de lait, du moins sur 1000 litres de lait, ces 100 euros-là, c'est notre salaire. Voilà, c'est tout, c'est la rémunération. Et donc, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose que 50 ans. Aujourd'hui, on a de la main-d'œuvre. Et quand on dit industrialiser l'agriculture, moi je veux bien, mais quand je vois la ferme des 1000 vaches, laissons-les faire, mais vous allez voir les coûts de production qu'ils vont avoir, bien plus important qu'une ferme familiale, parce que là il aura carrément des salariés, il aura tout. Et moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à la ferme des 1000 vaches, c'est qu'aujourd'hui là c'est une honte quand on le produit lait devient un sous-produit. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la ferme des 1000 vaches, elle va être rentable, entre guillemets, parce que c'est des financeurs, je veux pas dire que c'est du blanchiment d'argent, c'est de la défiscalisation, mais c'est un peu ça. Mais en même temps, il va miser sur la vente de gaz ou de la vente d'électricité. Donc le lait devient un sous-produit. Alors écoutez, nous qui sommes producteurs de lait, on s'est donné assez de mal là-dessus pour être producteurs de lait. On sait ce que c'est que de produire un litre de lait. Je peux vous garantir que c'est vraiment catastrophique pour nous. Produire un sous-produit, vous rendez compte? Et pour revenir à ma question, parce que là, vous n'avez pas répondu, mais est-ce que... je demande peut-être à Fabrice, parce qu'en fait, c'est quand même plus facile de produire de la céréale, c'est moins contraignant. Mais bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas une... Mais c'est pas une histoire que c'est plus facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Un engouement plus égal. Mais ramener à l'heure de travail, je veux pas dire que le métier de céréalier, c'est un métier de feignant, mais je vais vous dire, nous, on fait des céréales, à la rigueur, ça nous décontracte, quoi. Ça nous permet de nous évader un petit peu, on va un peu dans les champs, ça nous permet de souffler un peu. Mais le métier d'éleveur, moi je fais de l'élevage et je peux vous garantir que je suis un vrai passionné. On a quasiment 500 têtes sur la ferme, on est à deux pour gérer ça. Mais c'est lourd en travail, c'est énorme quoi. C'est quand on est vraiment. Alors comme disait Fabrice tout à l'heure, les industriels le savent très bien, c'est qu'on est tellement accro de notre métier, eh ben ils savent que de toute façon on ne lâchera pas. Même si on va. Mais moi ce que j'ai envie de dire à tous les paysans aujourd'hui, hein, pas les producteurs parce qu'on est devenus des producteurs et c'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui il faut qu'on redevienne des paysans proches des consommateurs, des paysans qui vont rentrer dans le lard des politiques sur le terrain, parce que pour moi, et ça je voudrais en remettre une couche par rapport aux politiques, moi tout ce que je reproche c'est qu'aujourd'hui le ministère de l'Agriculture, c'est plus le ministère de l'Agriculture qui fait les lois, qui dicte l'agriculture finalement, c'est le syndicat majoritaire ou le vieux syndicat ou la FNSEA pour pas avoir de langage de bois, et puis la coopération. Et c'est ça qui m'embête vraiment, c'est qu'aujourd'hui on a fait des coopératives, il y a 50 ans, il y a 100 ans, on a fait des coopératives pour se regrouper, pour vendre, pour avoir plus facile, pour être plus fort, et finalement ils nous ont ceinturés pour aujourd'hui faire de la quantité. Aujourd'hui, c'est une honte qu'à la rigueur, que les laits les moins chers qu'on retrouve dans les supermarchés, ben, ce n'est pas le lait des privés comme Lactalis, c'est les laits de chez Sodial, entre guillemets, qui est une des plus grosses coopératives européennes, françaises, entre guillemets. Et c'est ça le plus dur à accepter. C'est, donc, pourquoi voulez-vous que Lactalis ou les privés ou Bell nous payent le lait à un certain niveau, alors que nos propres coopératives ne veulent pas le payer à ce niveau-là, parce qu'ils veulent être compétitifs, parce qu'ils veulent conquérir le marché mondial. Mais c'est affolant, il faut le savoir, c'est que le marché mondial, avant l'arrêt des quotas, il y a quelques années, c'était quoi? C'était 2,5-3% d'exportation vers le marché mondial. Donc il s'agissait de dire à tout le monde de diminuer de 2-3% ou de 4%, et puis voilà. Alors au niveau du Fabrice, par rapport à ça, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des choses? Moi, le message que vous êtes en train de faire passer, hein, sur l'exploitation, sur la production, hein, il y a le consommateur aussi derrière. Ben, le message, c'est attention, rapprochez-vous de nous, consommez mieux. Ça, c'est un message que j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il ne faut pas revenir à des choses beaucoup plus, comment dirais-je, pragmatiques, plus simple, c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui on arrive un peu au système communiste, je veux dire les kolkhozes, moi j'ai connu les pays de l'Est. Et ça a tué l'agriculture, aujourd'hui. Voilà quelques années on nous a fait peur avec en disant que les pays de l'Est allaient nous envahir de leurs produits et tout. Aujourd'hui les pays de l'Est, si vous voulez faire de l'agriculture dans les pays de l'Est, il faut la Kalachnikov. Hein, c'est la mafia qui gère, c'est ingérable. Donc à part quelques grosses firmes américaines ou canadiennes qui vont dans les pays de l'Est pour faire du fric avec de la céréale, mais encore ils vivent là-bas et ils ont la Kalachnikov, croyez-moi, et puis ils sont peut-être même mêlés un peu à un système de mafia. Mais je peux vous garantir que aujourd'hui il n'y a plus d'agriculture là-bas, et c'est encore pas demain la veille que ça va s'améliorer, parce qu'il y a eu les kolkhozes, et aujourd'hui on veut nous mettre dans un système de kolkhozes. C'est alors justement honte. Boris, les pays d'Est je connais assez, parce que ça fait 25 ans dans les pays d'Est, notamment la Roumanie, et c'est vrai qu'il y a 70-75% pour pas dire % des terres qui ne sont pas exploitées. C'est dommage, c'est regrettable aussi, mais est-ce qu'il n'est pas, ne serait pas intéressant de revenir à des choses comme vous faites, vous, Fabrice, une petite exploitation où on sent bien revenir à des choses en harmonie, je veux dire, avec la nature, rapprocher producteurs-consommateurs, je veux dire, casser cette industrialisation? Si, tout à fait, mais il faut savoir aussi que se remettre en question, c'est pas quelque chose de simple. Boris vient de le dire, moi j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui il y a des agriculteurs qui sont prêts à se lancer dans des projets en espérant trouver le bénéfice dans de la méthanisation plutôt que dans l'atelier lait en lui-même. C'est quand même grave Dire que c'est, oui, mais c'est de la valorisation quelque oui, part. Oui, mais c'est ça serait un plus, je comprendrais, mais c'est pas un plus. Mais le lait devient un sous-produit, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, il faut se mettre à la place de l'agriculteur qui est visité tous les jours par des commerciaux et que tout le monde lui dit non, faut continuer dans le sens de la production. Après, se dire non, moi je vais faire marche arrière ou faire comme Jean-Michel, dire je fais le pas, je passe en bio. Après, faut en avoir les moyens aussi, parce que faut savoir que c'est une fois qu'on s'est lancé dans les investissements, on a mis les doigts dedans, on peut plus faire marche arrière. On investit sur 15 ans, on a des annuités qui tombent, il faut y arriver. Remettre tout son système d'exploitation en cause, c'est pas évident. Je crois que tout à l'heure, Richard le disait aussi, hein, il y a pensé, mais il fallait avoir les moyens financiers. Oui. Quand on débute dans ce métier et qu'on a tout un tas d'investissements sur le dos, on ne peut pas se permettre. Donc, c'est toute une mentalité à revoir. Un tas d'esprit, une mentalité, voilà. Voilà, un fonctionnement. Donc, bah, comme tout le monde, les industriels, les coopératives... Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. On se reverra dans une paire d'années pour voir ça. Mais... Avec plaisir. Richard, je voudrais vous faire un petit peu réagir. Alors, je rappelle, Richard, vous êtes le président de Fer France. Je rappelle le site aussi. Donc, c'est www.fairfrance.fr où on peut trouver énormément d'informations dessus. On arrive à la fin de l'émission, mais bon, chacun va pouvoir apporter sa conclusion, évidemment. Richard, si un message à faire passer, c'est un conseil ou réagir, ce serait quoi? Bon, rien n'est perdu. Tout, c'est de se reprendre en main et de faire comprendre aux gens, surtout aux agriculteurs, qu'il faut arrêter d'être producteur. Il faut redevenir agriculteur. Et c'est ce qu'on dit tout le long de cette journée, quoi. Rien n'est perdu. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire, l'homme, il est en train de détruire la Terre. Vous savez, la Terre, quand elle aura eu raison de nous, elle se refera, hein. Ça fait des milliards d'années qu'elle est là. Elle sera encore quelques milliards d'années derrière nous, hein. Vous savez, c'est la nature, elle est bien faite, hein. Elle a horreur du vide, elle se remplace. Et le vide, elle peut le faire. Si nous, on la détruit, ça reviendra. Et le problème de l'humanité, c'est quand même ça. Vivre en bonne harmonie. Alors, sans être baba cool, sans être... Il y a des gens... Un juste équilibre, un juste milieu. Les gens sont tellement différents des uns des autres que bah, il faut que les gens ils fassent un peu à leur mode. Chez nous, on dit toujours, un body qui fasse à mode, c'est la moitié de sa nourriture. Ouais, c'est déjà le principal, c'est de se lever le matin. Vous savez, les gens qui vont au boulot aujourd'hui et qui n'aiment pas leur travail, bah, pour moi, ils vivent le tiers de leur vie. Hein. Parce que quand on... Et c'est prouvé. Hein? Et c'est prouvé scientifiquement. Ouais, et malheureusement, aujourd'hui, la société est telle... Quand on dort, on ne vit pas. Moi, c'est la philosophie que j'ai. Il y a normalement 8 heures de travail et 8 heures de loisirs. Bon, si vous aimez bien votre boulot, ben, vous en faites 10 ou 12. Et ben, vous vivez bien votre vie à 2/3 du temps. Si un message à faire passer, Richard, auprès des consommatrices et des consommateurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Alors lequel? Ben, c'est assez simple, acheter les produits Fer France. Alors pour l'instant, il n'y a que du lait demi-écrémé en Fer France, mais regardez bien Fer France, alors avec un E, parce que les Français ont trouvé qu'on avait fait une faute, parce qu'on avait oublié le E, on avait mis Fer, mais Fer en anglais, et très peu de Français sont bons en anglais, moi le premier, et ils avaient trouvé que ce Fer, ça veut dire équitable en anglais, ça veut dire bien des choses, mais si une chose est certaine, si les consommateurs demain veulent... manger à 90% en bonne santé, eh ben, il faut qu'ils achètent aussi des produits Fer France et des produits de meilleure qualité. Il n'y a pas que Fer France qui fait des bons produits, hein, qui fera c'est un exemple. Produits. Mais pour nous soutenir, c'est le seul moyen. À chaque fois que vous achetez un produit Fer France, vous êtes sûr que l'agriculteur gagne sa vie derrière. Et puis d'avoir une certaine qualité. Alors moi, je peux le dire, j'ai bon. Goûté, parce que bon, je vous ai rencontré, c'était vraiment par hasard, hein, la petite anecdote, hein, et j'apporte mon petit témoignage, c'est que j'ai comparé les deux laits, et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence. Bah, tout le monde mes dit. Enfants tout le monde l'ont dit, donc c'est pour ça, je recommande, et moi je suis pour la bonne bouffe. Hein. Je fais mes pâtés, mes terrines, je fais tout ça encore. Le rapport qualité-prix, il n'est pas cher. Alors, Jean-Michel, là, si un message à faire passer, ça serait lequel? Moi, c'est ça, nos politiques, nos consommateurs, qui on veut. Ça me dérange pas. Ben, le message à faire passer, moi, c'est un vis-à-vis des consommateurs, déjà, qui se laissent pas abuser par tous les paillettes des publicités qu'on leur fait croire avec du lait ou d'autres produits, enrichis en ceci, enrichis en cela. Si on les a enrichis en quelque chose, c'est qu'on les a appauvris auparavant. Donc plus c'est enrichi, plus c'est industrialisé, plus c'est trafiqué, plus c'est... Donc ça, c'est le message des consommateurs, qu'ils soient vigilants, quoi. Aidez-nous, nous on vous aidera, il faut qu'on s'entraide entre nous. Donc, un autre message ? Un autre message, ben, vis-à-vis des agriculteurs, c'est pareil, qui s'interrogent aussi, qui prennent le temps de s'arrêter, de réfléchir, de concerter avec leurs voisins, de se poser, de faire un arrêt, un stop, regarder derrière eux ce qu'ils ont fait. Et puis aussi regarder l'avenir de leur exploitation. Hein, moi, j'avais 3 garçons. Aucun ne voulait reprendre derrière moi. Hein. C'est frustrant. C'est frustrant. Donc, j'aurais demandé pourquoi. Ils m'ont dit, on ne veut pas de ta vie. Donc, je leur avais donné une mauvaise image. Ouais. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir réussi dans ma vie. Ouais. Mais parti dans ces spirales-là, en finalité. Depuis que je suis en conversion bio, les trois garçons, aujourd'hui, se réintéressent. Ils m'ont dit, mais papa, on va t'aider. Et puis, ouais. on pourrait revenir. Voilà, c'est un exemple, Jean-Michel. Rapidement, Boris, une petite conclusion. Moi, très rapidement, je voulais dire que pour les producteurs, pour tous les fermiers, tous les paysans de France, essayez d'adhérer à tout sauf à la FNSEA, adhérer à l'OPL, adhérer à la coordination rurale, adhérer à la Confédération paysanne, adhérer bien sûr à l'appli, parce que nous, on a un mouvement européen. On voit plus loin que la France. C'est-à-dire que nous, le prix, on veut qu'il soit pareil partout en Europe. Et je peux vous garantir qu'on est rattaché à l'EMB, qui a 14 pays dans toute l'Europe. On est rattaché avec ces 14 pays-là. Et il y a comme ça qu'on progressera. Et je crois que le message est bien passé. Fabrice, mot de la conclusion. Un mot un concept consommateur. Pour nous, voilà. Éleveur, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Et aidez-nous à aller jusqu'au bout de notre démarche, apprécier pleinement les produits de qualité. Et aux agriculteurs, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je ne veux pas déborder. Et moi, si j'ai un conseil à donner, consommateurs, rapprochez-vous du producteur pour avoir des produits de qualité. Et aussi, ne mangez pas n'importe quoi parce que notre santé en dépend et on remarque de tous les jours. Ne vous laissez pas éblouir par les strass, les paillettes, des publicités. Attention, ne consommez pas n'importe quoi. À la semaine prochaine pour une prochaine émission Libre-Échange. Libre-Échange, Sylvain Blondin.